Socrate a du succès, il a encore plus la rage. Il a plus de patience, les faux amis ça pue sa race. Y'a personne pour soutenir, sauf toi tu pour un soldat. Général. Y'a personne pour soutenir, sauf toi tu pour un soldat.